désolé, je cherche un truc, mec, en fait, et j'essaye de démarrer au 1 du métronome. Ok, je t'écoute, je t'attends. Mais je vais rester sur un truc simple. Je vais essayer de l'enregistrer, attends. Thank you.